À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le Comité national d'études des justiciers du Congo démocratique a publié le 14 un bulletin. Sous le titre « Kim Jong-il, soleil éternel de Songun », l'auteur a présenté que son excellence Kim Jong-il a fait progresser victorieusement la cause du socialisme par sa politique de Songun et que grâce à sa direction chevronnée, la Corée a su manifester dans tout l'univers sa dignité en tant que constructeur et lanceur de satellites artificiels et possesseur du nucléaire.